Oui. Non, non, on est en place. Vraiment aucun souci, ne vous inquiétez pas. Non. Voilà, je suis désolée. Au revoir, madame. Oui, bonjour. Alors, dites-moi tout. En fait, on est chercheurs à Grenoble et oui. On travaille sur le Vénéon et la vallée du Vénéon et puis les activités autour du Vénéon. Oui. Et vous êtes quoi? Cette partie des activités tout autour. On est à côté du Vénéon. Oui, ça n'est pas loin d'un doute. Bien à côté. Et du coup, vous avez ouvert début juin, c'est ça? Oui. Et ça fait longtemps que vous travaillez là? C'est la deuxième année, deuxième été. Et du coup, le côté, je crois que c'est, il y a les zones inondables et tout. Vous l'avez déjà vu. L'été passé, ça, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Pour colmater ce qu'il y avait. C'est récent donc. L'été passé. D'accord. Au mois d'août. Et avant, il n'y avait pas d'enrochement. Non, non. D'accord. Il a tout embarqué. Voilà. Et du coup, par rapport aux gens qui sont sur le camping, est-ce que ça a débordé sur le camping? Non, non. D'accord. Il y a une digue qui est faite là dedans. Oui, donc ça a juste fouillé sous la route. Oui. Et du coup, le bruit là. Il est calme aujourd'hui. D'accord. Parce que vraiment, les pierres s'entrechoquent quand il est gros, ça fait beaucoup. Ouais, vous l'entendez? Oui. Si je me mets dehors parce qu'il n'y a personne et que je suis en train de lire, le téléphone sonne dedans, je ne l'entends pas, hein, c'est sûr. D'accord. Non, ça fait un fond sonore quand même important. Et ça vous gênait au début ou Non. Il n'y a pas des gens qui vous font des remarques justement si, par si, rapport à si, ça si. Ouais. On a les tentes prêtes à camper, je ne sais pas si vous avez vu dans le camping, il y a des tentes qui sont toutes montées, qui sont vraiment à l'aplomb du Vénéon et... Oui, il y en a qui ont du mal à dormir. Oui, qui reviennent vous dire en disant il y a trop de bruit. Oui, après ils se fatiguent en montagne donc ils dorment. Mais sur le coup, oui, ça les surprend la première nuit. D'accord.